Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est une nouvelle saison de l'Antichambre qui démarre sur les 105.9 de Radio Hellebore. Et oui, pour nous aussi, c'est la rentrée. Et ce soir, je suis tout seul car mes deux compères habituels, DJ LBR et Nutbreaker, ne sont pas disponibles. Donc, je m'occupe de vous préparer une émission un peu spéciale puisque nous allons commencer avec 4 nouveautés qui sont sorties cet été. Ensuite, nous avons un petit focus sur le groupe Fuzik, un groupe funk qui nous vient de Floride, avec son nouvel album qui s'appelle The Break Session. Et on finira avec un teasing avec plusieurs morceaux d'artistes qui vont sortir des projets très bientôt, donc courant septembre, début octobre. Et j'ai déjà l'exclusivité, et donc je vous fais déjà des petits teasings avec des petits extraits pour vous allécher pour les prochaines émissions à venir. Donc voilà, donc on va démarrer tout de suite avec un morceau qui s'appelle Hip Hop Family Tree Part 1. C'est produit par monsieur Joran Bombay et c'est un produit un peu particulier puisqu'il est accompagné, en fait, il accompagne plutôt une BD, un comics de monsieur Ed Piskor, donc un américain qui a décidé de documenter en images l'histoire du hip-hop depuis ses débuts. Donc il a fourni déjà plusieurs livres et je sais que ça c'est donc le volume numéro 12, et donc il est accompagné d'une petite carte postale qui donc contient ce morceau et qui peut être joué sur une platine. Et puis il était aussi disponible gratuitement sur internet. Donc vous allez voir, ça, c'est un morceau un petit peu old school, ça reprend quelques classiques. Et puis vous allez voir, après on enchaîne avec 3 autres nouveautés. Donc voilà, restez sur les 105.9 de Radio Hellebore pour cette nouvelle saison, nouvelle émission de l'Antichambre. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear too. Well, it went pretty much like this. This has got to be the greatest record of the year. It's the joint! Now wait. And this is this. For all you seen in a crew, this is what we want y'all to do. You say you want for the trouble, for the time. Come on, y'all, let's rock. Jimmy's got a ladies and gentlemen, gentlemen, ladies, let me tell you about something to be amazed. We're not going and crazy, and we rock the young and in the ears. I see the young and old, they all alive. Like it to me, listen to me, rock the mic. I get right, y'all. And I never bite y'all. Do you wanna hear it? Yeah! Say, do you wanna hear it? Yeah! Let me hear you say, want to hear it? Yeah. I said, do you want to hear it? Yeah. Jump down. Hit it, man. yo, check it out. This is Joe Run Bombay, and you're listening to L'Antichambre with Oncle Ben and El Bear. Check it out. Beneath the boom of the jazz bastard beat, mass relief to hip-hop culture. They've been fasting, G, at last we be on the same accord, and we've stored up enough lyrics to serve every time you need more. Lord Almighty, the kid is frightening. My power that can stir up storms and strike lightning. Huh, peep the way we express the words. Step up, you get served. Fuck what you heard. Rhymes and it's wildlife in the sea, and it's the jazz bastard boom bap track that I'm freaking seeing. I flashback, couldn't envision myself being so dope. The definition of proficient I'm seeing. My condolences to all the melodies I mutilate. Miles and piles of audio files accumulate. The groove will make you come to terms with my philosophy. The human glossary can't drop bombs colossally and attack your equilibrium like your drunk uncle when a nigga got this one too many beers in him. I put the fear in him like a fairy tale. Destroying instrumentals, I do it very well. Majestic, affected with the sickness. Disintegrated so many microphones with the quickness of a cheetah on a treadmill running inside of fitness. Center of attention, the way I go about my business. Your business. The fans cop a can top sounds while your head knocks. See your head locks twisted and tangled to dangle like dreadlocks. But to the less nice, keep shit discreet. And don't ever display your defeat. Cause in the streets you walk on salty ground and glass in your feet. So peep this knowledge, know the ledge. Once said by a wiser man, the sky is land, the limit is universal. God makes no mistakes. This rehearsal of life that we live in, here is written. Believe all in your mental, your driver's decisions. Down the road with stops and collisions, I seek wisdom. The moving in out of this prism isn't to reshape, perform this vision. So. Like that, yo, we all wanna live the high life. Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of love and large visions in my mind's eye. Catch you slipping and it's bye-bye, yo. Were you the one to live the high life? Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of love and large visions in my mind's eye. Yo, yo, visions in my mind's eye. He chips the top of a red strap and flicks the cap into the air. And lights the last spliff sitting behind his head, thinking of taking his life. I wonder if you see his force manifest when his brains are blown out from his head. I guess his mom's will be the one to see it. His blood's anemic, pushing drugs into the district clubs with a lust to leave it. He flicks the blunt, his shadow follows rigid on the cobblestones as he turns left. Can hear the beer guzzle down his throat. He fucked this hoe in 05 that broke his heart, known for blushing. Became pregnant for his older cousin, crushed him. Fragmented thoughts become colors that paint auras out of nowhere. Fed spun in him like a tourist, plain clothes strapped with caution. Cane rose to match the portrait. One pushed the clip back inside his mouth and made his jaw stiff. They shy and don't move. Put what you're holding slowly by your shoes to lay on the floor. Or I'ma make your brains paint the wall. Found a grain of chalk, gave it back, and with his backhand he gave him a slap. Sean began to tussle with their hands around his mouth like a muzzle. Picture the scenario now. They're standing on his knuckles as passers-by stand with cameras in the street as they film the last words of a man who couldn't breathe. Passers-by stand with cameras in the street as they film the last words of a man who couldn't breathe. It's like that, yo. We all wanna live the high life. Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of living large, visions in my mind's eye. Catch you slipping and it's bye-bye, yo. We all wanna live the high life. Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of living large, visions in my mind's eye. Yo, yo, visions in my mind's eye. Yo, we all wanna live the high life. Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of living large, visions in my mind's eye. Catch you slipping and it's bye-bye, yo. You all wanna live the high life. Aim for the stars, better get your mind right. Dreams of living large, visions in my mind's eye. Yo, yo, visions in my mind's eye. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. Everybody use James Brown. He's the man who invented the hip-hop sound. Everybody rock James Brown. I run him down. The beat and sling a note as if my name was David Ruffin. Woo. Quick to rip a microphone without a big discussion. You thought it was an old brand newbie in production? Well, it was James Brown. Salt pepper shaking that thing on the dance floor with some tight ripped jeans. They had a hit and here's the means. What? They used that James Brown. Woo. It's the bomb. Can I get a soul clap? Come on! And if you don't know how they made this song, they had James Brown. Oh, oh, oh, and I quote, let me clear my throat, but they didn't play one note. It was James Brown. I was about 15, had a flat top and a dance routine. 1990, Chub Rock jumped up on the scene with some James Brown. I wanna rock right now, and Rob AC made me go wild. If you really wanna know how, he used some James Brown. Remember that, it ain't where you're from, it's where you're at. You got if you it. Don't know how you to make this track, you got they it. Use that James Brown. N.W.A. 100 miles and running L.A. This beat by Dr. Dre? Nah, it was James Brown. Lords of the Underground? James Brown. I'm Big Daddy Kane got raw with some James Brown. Gangsta? They use that James Brown. Yes! The rhythm, the rebel. P.E. had James Brown. It's James Brown. It's James Brown. That's some James Brown. You know what I mean? The Godfather earned respect and laid the foundation. Don't forget how many moments of classic rap built up on the back of a JB's track. So when I wanted to do my own song, there's only one way that you can't go wrong. The man who invented the hip-hop sound. I use some James Brown. Et bien voilà, petite contribution de monsieur Andy Cooper des Ugly Ducklings. Donc un morceau qui s'appelle It Was James Brown, donc pour vous énumérer un peu la contribution de ce grand musicien, ce grand artiste qui était James Brown, sa contribution au hip-hop. Donc quand vous écoutiez beaucoup de morceaux dans les années 80-90, parce que c'est vraiment cette période-là qu'il a été beaucoup samplé, et bien quand vous écoutiez des artistes de rap, comme nous le citait Andy Cooper, c'était généralement des samples de James Brown. Donc je reviens sur ces quatre morceaux. Donc le premier, donc Joran Bombay, le morceau Hip Hop Family Tree Part 1, parce que normalement cette collaboration avec donc l'artiste Ed Piscor ne devrait pas s'arrêter là. C'est donc en association aussi avec le label de qualité Slice of Spice. Donc voilà, un comics et un disque ensemble vendu. Ensuite, on a enchaîné avec un petit 45 sorti sous label de Digger with Gratitude. Donc le label s'appelle Fresh Pressing. Et c'est un groupe qui s'appelle Mellow Soul Black, qui nous vient du Tennessee. Et c'est surtout une association, une collaboration avec les Jazz Pastics, duo de producteurs qui n'arrêtent pas d'enchanter nos oreilles depuis plusieurs années sur les ondes de Radio Hellebore. Donc vous en entendrez encore parler d'eux dans la suite de cette émission, puisqu'ils ont un petit projet secret sous leur autre identité qui s'appelle les Slipknot Brothers. Et puis c'est ça. Et ensuite on a enchaîné avec un petit 45 sorti sur un petit label qui s'appelle Village Life Record. Ça s'appelle Remulac. Pardon, excusez-moi, je fais tomber mes notes. Ça s'appelle Remulac featuring Melanim 9 et puis Scribla Da God. Donc le morceau s'appelle High Life et on s'est écouté le remix, un remix concocté par Monsieur Evil Head. Donc voilà, ça c'était quatre petites nouveautés pour vous montrer que pendant les vacances, les DJ de l'antichambre ne chôment pas, ils sont toujours à l'affût de ce qu'ils sortent. Et on va enchaîner avec un groupe, donc le focus sur le groupe Fuzik, donc un groupe qui existe depuis plusieurs années en Floride. C'est un groupe funk, un peu latin. Ils ont déjà à leur actif trois albums, donc un sorti en 2006, un en 2010 et l'autre en 2013, et puis ils ont trois super 45 de qualité sortis en 2013 pour les deux premiers et en 2014. Et donc là ils nous reviennent en 2016 avec un disque qui s'appelle The Break Station. Vous allez voir, c'est vraiment un truc pour les danseurs, donc vous allez accrocher avec des beats assez rapides. Et donc ce premier disque, ce dernier album, pardon, est accompagné d'un premier 45 tours, donc avec un morceau en face A qui s'appelle Desert Night et la face B s'appelle Senti. Donc on se les écoutera, les deux morceaux plus le reste, vous allez voir. Ça me fait penser pour certains titres avec des petites guitares saturées au groupe italien Calibro 35 qu'on vous avait fait découvrir dans les précédentes émissions. Donc on va partir avec ce groupe et puis à vous signaler aussi que le batteur avec le percussionniste d'un groupe qui vient de Miami aussi, qui est un groupe hip-hop live qui s'appelle Mayday, a formé encore un autre groupe qui s'appelle Phenons. Je vous avais joué les morceaux, c'était sorti sur l'excellent label Fraternity Music Group. Ils ont sorti un petit 45 et je vous avais joué les deux titres dont le premier s'appelait El Cato. Donc voilà, de rester branché sur les 105.9 de Radio Hellebore. C'est toujours l'oncle Ben qui essaye de se dépatouiller derrière la technique pour cette rentrée de l'antichambre. Et bien rester sur les 105.9 de Radio Hellebore pour ce focus sur le groupe Fuzik. beaucoup, beaucoup de percussions pour ce nouvel album de The Break Session, donc le groupe Fuzik, les 5 membres venus de Floride. Donc vous avez vu, c'est quand même du BPM très très très lourd, c'est fait pour enflammer les dance floors pendant les compétitions de breakdance, c'est vraiment excellent. Voilà, donc en même temps ça me permet de vous parler, je vous passais, comment dire, ces côtés breakdance tout à l'heure, ce côté old school. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi cet été, vous avez regardé la série qui s'appelle The Get Down sur la plateforme Netflix, donc qui est une comment dire, une série en 10 épisodes, je pense, ou 13, relatant la naissance du hip-hop dans le Bronx. Et c'est beaucoup de musique, beaucoup de musique. Après, c'est une petite romance, c'est très sympa. Il y a beaucoup de disco, parce que bien sûr, c'est quand même partie de pas mal de ça. Et voilà, c'est très intéressant. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le conseille. Là, on va enchaîner donc avec, on va dire, l'exclusivité pour les prochaines émissions à venir, les petits focus que je vous ferai. Donc, je vais vous jouer un titre de chaque artiste. Et donc chacun de ces artistes, vous les retrouverez, on va dire, sur 4 semaines, parce qu'il y en a 4. Vous retrouverez chacun un focus. Donc, je sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais bon, vous entendrez donc un focus sur le nouvel album de Soundside. Alors, celui-ci est déjà sorti, il est sorti avant l'été, il s'appelle Walk the Earth. On avait déjà été teasé avec 4 titres sortis sur 2 petits 45 tours. Il y avait Ronin, il y avait All Hands on Deck, je sais plus après les deux autres, Right On, et puis le quatrième titre, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, c'est le retour de Oli Tiba, de Johnny Cuba à la production, et qui est The Process, avec au mic Hugh George, Oxygen, Odyssey, et le petit nouveau qui s'appelait, ça y est, j'ai déjà oublié son nom, je m'excuse. Donc voilà, on s'écoutera le premier titre qui est sorti en vidéo. Je vous le donnerai tout à l'heure au débrief. Ensuite, on enchaînera avec la deuxième personnalité, le deuxième pseudo des Jazz Pastics. Ça s'appelle Slipmat Brothers. Donc on avait déjà écouté quelques titres de ce, on va dire, il change pas la méthode, c'est toujours très jazzy, c'est très très bon ce duo de producteurs anglais. Et là, ils se sont associés au groupe américain qui s'appelle Pen Pals pour un album donc qui va sortir. Alors attendez, il faut que je retrouve mes notes, qui sort le 15, qui s'appelle Made for the Underground. Il sera disponible en téléchargement, mais il sera aussi disponible en vinyle sur l'excellent label Chop Earring Record, qui sort habituellement des choses très très obscures. Il va fouiller vraiment dans des groupes, il ressort des choses assez spéciales. Par exemple, il a ressorti dernièrement des morceaux jamais sortis sur disque de Casual, un des MC des Hieroglyphics, pardon. Donc voilà, donc c'est un label à surveiller. Et donc Slipmat Brothers, donc aka Jazz Pastics, nous arrive donc avec ce nouvel album, et donc vous allez voir, c'est très très très bon. Ensuite, on viendra dans l'Hexagone, mais ça sera un MC américain qui est là depuis très très longtemps. Il a déjà travaillé avec Monsieur Mowar, il a travaillé avec Acousmic, il a travaillé dernièrement avec Yoshi The Original. C'est Monsieur The Real Fake MC, donc qui nous sort un album. Alors, super old school, moi j'ai vraiment adoré ce que j'en ai entendu. Ça sort sur le label Boogie Butt Record, le label créé par Monsieur Lord Funk. Ça s'appellera Future Funk Survivor. Ça sort le 26 septembre et c'est tout produit par Monsieur Patchwork. Donc vous allez voir, c'est très très bon, ça sonne un petit peu électro, et le premier, on va dire, allez, pas single, le morceau vraiment que j'adore, qui s'appelle Children of the Breaks. Je vous passerai ça ce soir. Et on terminera avec un projet plutôt original, un groupe encore français. Je pense qu'ils sont de Paris, et ça s'appelle Afro Latin Vintage Orchestra. Et là, ils ont pris deux MC dont je vous ai parlé juste précédemment, qui viennent de Soundside, c'est-à-dire Oxygen et Odyssey, pardon. et les ont mis avec aussi Monsieur Emski des Good People. Donc voyez, vous êtes vraiment en terrain conquis pour un album donc qui sort aussi très bientôt. Je vous regarde mes petites fiches. Je vous dis pas de bêtises. Il sort le 26. C'est lui qui sort le 26, pardon, l'autre, celui de Winfield KMC sort au mois de septembre, mais j'ai pas la date exacte. On s'appelle Got to Get Down. Il y aura un petit pressage en vinyle, et sinon ça sera en téléchargement, et je pense aussi en CD. Donc c'est un groupe live, et qui s'est associé donc à ces trois MC. Donc voilà, trêve de bavardage, j'ai assez parlé comme ça. Donc on va enchaîner avec un morceau de chaque, et puis on se retrouve pour la suite sur les 105.9 de Radio Hellebore. Excusez-moi pour cette laborieuse rentrée de l'antichambre. I gotta stay on point cause many folks are still tripping. Life's getting crazy, looking for an out with Swayze. Man, he caught up with this Trump dude, cocked-eyed and crazy. The diamond in the rough, but turned out fugazi. The rat made king, devil-eyed and shady. Looking like a Brady with this wicked rich lady. The art of smoking mirrors is unclear, so maybe I'll change my perspective, my elective and directive. My objective, make you think out the box, get perspective. My rhyme's introspective, hope to make this effective. Connecting the dots like the dope detective. You think I don't get it and you want me to admit it. Back to the future, more than McFly in a minute. They all got gimmicks, falsify the tarnished image. In this dog and pony show, oh no, we're finished. The tale of two stories, deception at its highest. Testing laboratories in the state of transition. Take over our territories, right in your backyard with stealth and signatories. On the dotted line, refine it right out of your mind. The fine print all missed by the blind design. The have-nots all left behind. Still struggling, surviving while the haves feel inclined to take what they want to leave the scraps off the table. Thinking I'm just a joke, but don't you know I'm able to load it up and cock it, blast you like a rocket, kicking your ass out. Brutality gotta stop it. Toxic is the sector, police ain't no protector. Resurrect, connect intellects, I betcha. Get your warning as much as you want to survive. Start to change from within so you can see it outside. The thoughts into action, avoiding the distraction created by the powers that be. The chain reaction, instead of chilling and relaxing, you're slipping with no traction, missing in all the action. The laws of attraction, I really don't know, but I can tell you this. The skullduggery is real and on some no good shit. Keep your eyes and ears open, your best be prepared. Sound sidewalk the earth and no, we never scared. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Ready to go to my b-boy stands, throw a flow. Get out my house, walking real slow. Can't live without good breaks. Let the music slow down, drums take place. Like pepper on a steak, a cherry on a cake. Loving good vibe is all it takes. Sweet children of the breaks. My mind rolls slow with nowhere to go. With the main or drum kit ready to flow. Hand off the keys, let the bass follow. Down to the ground, 1, 2, 3, go. Together, love is all it takes. You, we, me, them, children of the breaks. Favorite move, stick to the groove. Ain't got nothing to lose. Or from the corner, acting like a fool. We need breaks like cars need fuel. We children of the breaks, never went to school. Sweet music made our rules. In the world of gold, remain human souls. Now it's time to dance, you all. Everybody, let's have a ball. Up in the air, throw a cannonball. Top rock. Head slap. Head slap. Close your knees. And freeze. Time to go down, throw a text in. Don't know how to dance, just do your thing. Breaks from Egypt, breaks from Spain. Breaks in the sun, breaks in the rain. Love respect, so I'll make Curtis blow. Do it, do it, do it, yo. We want breaks, late and day. So let yourself go, follow the way. From north to the south, to the east, to the west. It's time to forget your everyday stress. Children of the breaks, no time to rest. When we go down to the ground, no, you can't test. Life is tough, getting down to the nitty gritty. Bottom of the bottle, sipping whiskey, split it 50-50. Past the fifth, now I'm pleading it. Pen pals plotting, yo, devious. Make a vegan, eat a strip steak. Tell me that that shit's great. Shorty, make fajitas, proper seasoning. On the weekends, I be sleeping in 3 p.m. Wake up, then I'm picking out the seeds and stems. Start my day late, dollar short, vacay Hollywood. Slamming margaritas with Korean chicks. Whip up the kimchi, simply delicious. We getting pretty busy. You haven't earned shit, all you know is gimme, gimme. Catch me with a gypsy, getting my palms red. When all said and done, embrace my life with my arms spread. Yeah. And check your eardrum. And check your eardrum. Motherfuckers don't know the ledge. Some say a prayer, but I write a rhyme before I go to bed. This is one for the older heads. Traditional like corned beef and cabbage dinner with the soda bread. Bounty hunter, no Boba Fett. When the flows are in effect, taking over, no sweat. Bet, at the pad playing SNES. Been on many quests, making paper while you penniless. Honored guest at the ship's christening. Smash the champagne over the hull and it's glistening. Are you listening? I'm talking that good shit. Keep it thorough from Edinburgh to Bushwick. Push the Bic over pages with a vengeance. Taking the pen and then I'm banging out sentences. It's a lesson for apprentices. Blessing is in Genesis. Now you know just who the menace is. Ah. And check your eardrum. And check your eardrum. Every time. Every time it's to your round. Pen pals, y'all. Every time you see him, all of his hip-hop. Brain cells react, syncing with the tempo. Yeah, and this is how it goes. back to rhyme fanatic. Tracking the sound waves, disperse them through the static. Ill the ill, yes, for real, for sure. When I'm manic and static, my third eye transmits the soul slash the air. View to a few as we present, yes, the drama. Consume beats the bars of rhyme time. Also, when you're hearing the voice, too late. And we got y'all presenting and representing. We do it quite proper when we offer, yes, for sure. Cause you know, you can't stop the Hemsky Jack Jones, it's for sure the big whopper. Cause you know, we proceed and go, whether from fast to slow. So cold like border below. And tuning in time, yeah. Reflecting your membrane, designer from my mind. Rhyme in prime time, intellect and will shine. The audio for you, yeah, for sure will shine. Cause we mixed up, switched up, flipped up the flow. Yeah, to put you in the know. Mixed up, switched up, flipped up the flow. Yeah, yeah, to put you in the know. Brain cells react, syncing with the tempo. Channel my inner cool peep with the grammar. I got the Tropicana. Squeeze off, I catch a manner like in David Banner. Slow flowing and showing measured degrees. And I breeze with an entitled prestige because I'm righteous. Get it going, get it done, and get it over with. Spitting with blood, sweat, tears for many years. I'm like a closing time, I shut it down. Running circles around cats that's looking for the crown. Respect to the kings, a heavy rubble coming through the troubled waters of the bubblegum sticking now. Better veterans, getting a forever win. Never letting whack creep in, the deep end and sleep in. I hold the fort down when I'm speaking. To reach beyond the black, I'm Puerto Rican. Cause no doubt, I'm zoned out and kinda crazy when I speak about this culture and art form that's cornered to form. I'm so gone. Mixed up, switched up, flipped up the flow. To put you in the know. Brain cells react, syncing with the tempo. Put you in the know, brain cells react, syncing with the tempo. Yo, I drop knowledge and tools, but watch out, I'm volatile. Crazy, glue your eyes shut before I demolish you. Oxygenious, devious, and psycho. I black out. Cats be like, yo, where the light go? I'm zoning out to the point of no return. Your sinner's well-being is no longer my concern. I warned you. Better yet, I tell you what I'm going through. You got 2 seconds to bounce before I'm on you. One, two, boom, boom, boom. Mixed up, switched up, flipped up the flow. To put you in the know. And this is how it goes. Up, up the flow. To put you in the know. Brain cells react, syncing with the tempo. And this is how it goes. Goes, goes. A-A-L-L-B-B-O. One, two, one, two. On approche de la fin de l'émission. Voilà, c'était les quatre groupes. Donc, je vous teasais donc chacun les petits focus qui seront dans les prochaines émissions de l'Antichambre. Donc, on s'est écouté le morceau The Art of Smoke and Mirrors de Soundside, donc tiré de l'album Walk the Earth, sorti donc déjà, je pense, depuis le mois de juin sur leur propre label World Expo Records. Ensuite, c'était Children of the Breaks, donc on va dire mon premier extrait de l'album de Real Fake MC. J'avais oublié de vous citer son comparse au scratch, au platine, Monsieur DJ Suspect. Ils sont tous les deux d'ailleurs, je pense, souvent en tournée pour défendre déjà ce projet qui arrive très bientôt donc sur le label Boogie Bucks Records. L'album s'appelle Future Funk Survivors. Après, c'était les Slipmap Brothers featuring Pen Pals, le morceau Inject Your Eardrums, et ça sera sur le nouvel album donc qui s'appelle Made for the Underground. C'était un morceau, je trouve, un petit peu plus funky, moins jazzy des Slipmap Brothers. Et puis donc on a terminé avec Afro Latin Vintage Orchestra, le morceau Sound Out, donc avec Mike Odyssey, Emski et Oxygen. Et puis derrière, on va dire, la console, Monsieur Masta Conga, donc le maître à bord de ce groupe et de ce projet, donc qui mélange hip-hop, un peu jazzy, un peu abstrait. C'est assez spécial, mais j'ai beaucoup aimé. Pour vous signaler aussi, alors là, la grosse nouveauté là depuis, on va dire 15 jours, c'est la mise en place du nouveau site de Radio Hellebore, donc radio-hellebore.com, donc nouvel habillage et surtout nouvelle chaîne de radio, des web radios, et l'antichambre ne manque pas à l'appel, puisqu'on a sorti donc notre propre web radio qu'on a rebaptisé de Groove Factory. Et tous les jours, 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, vous pouvez écouter de la bonne musique concoctée par les DJ de l'antichambre, que ce soit Michel Platine, Nutbreaker, l'oncle Ben et bien sûr DJ LBR. Donc vous avez de la musique latine, du hip-hop, du funk, de la soul, des choses très smooth. Enfin voilà, vous pouvez vous réveiller et vous coucher avec les DJ de l'antichambre. Donc radio-hellebore.com, donc vous trouvez la radio qui s'appelle The Groove Factory. Et puis n'hésitez pas à faire un tour aussi sur le site de l'antichambre, radio-antichambre.com. Il y a déjà des nouveaux articles, par exemple celui de LBR concernant le nouvel album de Renegade of Jazz. Je pense qu'il nous en passera quand il reviendra dans l'émission. Et puis moi je vous ai sorti un petit article sur le label indépendant Dinked Record, label anglais qui sort vraiment de très bons produits dont vous entendrez parler prochainement. Donc voilà, on va se quitter, il me reste un petit moment, je vais vous passer un morceau qui a 6-7 mois. C'est monsieur Charlie Buckets. Alors je sais pas si vous étiez là avant notre pause estivale, je vous avais passé un titre de son premier EP. Et puis là, il a sorti un petit titre juste avant, donc il y a 6 mois, avec en MC monsieur Rashan Ahmad, donc vous êtes habitué à ce MC, et puis Blitz the Ambassador. Donc je n'ai plus le titre en tête, mais vous le trouverez dans la playlist de cette émission. Donc voilà, je vous quitte, je m'excuse pour les bafouillages, c'est difficile, la reprise est difficile, et surtout de la faire seule. Donc j'espère que mes comparses seront de retour très prochainement, les gars, LBR et Nutbreaker. Donc voilà, on se quitte, à la semaine prochaine, restez branchés sur les 105.9 de Radio Hellebore. Yeah. Charlie Bucket, Ambassador, check it out, yeah, I'm out of body experience looking back. I cry city rugged and gritty. I learned to rap from spitting bars, wildin' in a cypher. Debating Rakim, Kane, KRS-One, who was the liver? I had them all on my wall, that's another lesson. Steady bar for bar, rhyme for rhyme, still was missing. Started on a mission to represent the continent. I'm counting on my vision like a head-on collision. From Greyhound buses to putting out posters. Travel all around the world, but Ghana was my focus. Returning home with legendary status, what they told us. Eating jollof rice with the mice and the locusts. But this is far from biblical, I was on the lyrical. Fed the multitude with each bar was a miracle. It's for my people hustling across the globe. Charlie Bucket record, greatest story ever told. Yeah, one life to live. Started in the circle, my hurdle was to be better. The God theory, I am here forming every letter. My paragraph expanded, went hand to hand. A legend being born, footsteps in far lands. I am hip-hop, supernatural line. With earth, wind, fire, beatbox, spirit to shine. I'ma climb every mountain and whisper in every wind. Got one life to live, so I focus my lens. And my optics see chopsticks in Japan. Carnival in Brazil, French kisses in Pan Am. It's the legacy, no letting me spin out the elegy. Some of you might rap along, some just singing the melody. Pops told me I better be better than that. Born with two stripes, young and I'm black. The attack gonna happen. I focus on my mind, not the fashion. They say the right things, but yo, what happened to the passion? For real. you can.